Musikologikotzat duzu zure burua? Musikariek sortutako musika gustoko duzu? Bazatoz gurekin, asteazkenero, atxaldeko seitatik zazpitara, vinilo diskaz beteriko sesio batetara. Hipotedis. Musikologikoen saioa. Zintziliken FM eune. Again, Robin. Okay, Batman. Arratsaldeon lagun musikologiko guztiei, berriz ere hemen gaude, aste pare bat eskale egin ondoren. Bueno, ba, ez dakit gaur nostalgiko esnatu nahi zen edo eguzkia izango zen, baina kontua da, ez dakit, edo agian mugati gertu gaudelako, baina la chanson frantze etorri zei burura gaur abesti pare bat entzunez. Eta, bueno, horti joango da gorko sesioa. Ea zer moli. Thank you. gabe ematet, non da nere burua. Thank you. Ange jaune le premier. Comme si l'autre le veut. Nuée de diamants, poème posé sur mon chevet. Comme si l'autre le veut. Des présents chaque jour. Comme si l'autre le veut. De l'amour. Comme si l'autre le veut. À toi qui me vois mignonne. Main tendue, je nous fange. Ne prends pas garde à ma mise. Et sur leurs joues on frange. Jadis ici si j'étais reine. Et les yeux de ces messieurs sur mon aimable personne se perdent et cela t'étonne. Laïa laïa, rose trémière et joli cœur les soirs de première. Comme si l'on pleuvait. Nuée de diamants, poème posé sur mon chevet. Comme si l'on pleuvait. Des soupirants et des atours en décédé si tu comme si l'on pleuvait. Des présents chaque jour. Comme si l'on pleuvait. De l'amour. Comme si l'on pleuvait. Des soupirants et des atours en décédé si tu savais.

Thank you. partout avec toi. Le jour se lève, on prend l'avion et l'on s'en va. Thank you.

à ce mois de minuit à 5 heures sur la musique de camionneur. Pose ta main là sur mon genou, embrasse-moi là, là dans le cou, sur la musique de camionneur, sur la musique de camionneur. Show. suis pas heureux, je vais la voir. Oh oh chérie. Thank you. Bueno, bueno, uste dut, gaurkoan ere, bisita izango dugu azken orduan. Nori izango da? Ah, nola ez. Debide exotika dakarkigu niko. Ale, esto le hizo de su vez. Agur.